gens couchés, des larmes dans les yeux. Bonjour à toutes et à tous. La particularité de l'être humain est qu'il est un animal pensant et face à une quelconque situation, l'homme doté de toutes ses facultés réagit. Une réaction ayant pour objectif de construire, reconstruire son histoire à travers sa contribution pour le bien-être de la communauté. Face à la maladie à coronavirus qui continue de décimer le monde entier, les populations ivoiriennes apportent leur contribution pour atténuer les impacts négatifs de cette crise sanitaire. Dans le milieu de l'éducation, les établissements Henri Poincaré pour assurer la continuité de l'école ont trouvé une alternative. Il s'agit des cours à travers la radio. Pour ce deuxième numéro de e-learning, nous parlons de dissertation littéraire au baccalauréat. Comment réussir le sujet de dissertation littéraire au baccalauréat? Pour en parler, nous recevons M. Simplice Godot. Il est enseignant des lettres aux établissements Henri Poincaré Boaké. M. Godot, Simplice, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce matin. Et moi de même. Alors, je voudrais traduire aussi toute ma gratitude à l'initiative et dire merci à tous ceux qui ont initié cette démarche au profit de nos enfants. D'accord. Avec vous, on parle de dissertation littéraire aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Amis auditeurs, bienvenue sur Gbeke FM. Sachez que c'est la première web radio de la région de Gbeke Infruit, des établissements Henri Poincaré et du cabinet de formation, de suivi et d'insertion à CAFSI. Je suis votre serviteur, François Mbradeux, pour vous servir. Comment réussir le sujet de dissertation littéraire au baccalauréat? C'est le thème que nous abordons aujourd'hui au cours de cette émission e-learning proposée par les établissements Henri Poincaré et Boaké. Sachez qu'à la technique, nous avons Kobena Oumar qui donc pousse les petits boutons pour vous faire plaisir et effectivement vous donner la connaissance qu'il faut, assisté par Sylvain Fete. Au cours de cette émission, nous parlerons de la dissertation littéraire, donc à commencer par la phase préparatoire, la phase de rédaction, introduction, développement, conclusion. Vous aurez l'occasion, bien évidemment, de poser vos questions en nous envoyant des SMS et nous appelant également. Le numéro, c'est le 49 35 80 89 42 78 45 98. Vous attendez juste après la première partie. Je vais dire la phase préparatoire et vous pouvez commencer à nous appeler. Sur le plateau, nous recevons notre invité du jour, M. Simplice Godot, donc, qui va nous parler de prime abord de ce que c'est que la dissertation. Quand on parle de dissertation littéraire, à quoi est-ce qu'on fait allusion, M. Godot? Je vous remercie. La dissertation littéraire est d'abord un exercice. D'accord. Alors, en fait, d'abord, allusion à l'exercice qui consiste à conduire une réflexion motivée par une problématique littéraire. D'accord. Disserter, c'est le verbe qui vient de dissertation. Disserter veut dire réfléchir. D'accord. Donc lorsque vous êtes amené à conduire une réflexion, vous réfléchissez, vous conduisez une argumentation motivée par une problématique qui est d'ordre littéraire, je précise. Dans ce cas-là, vous êtes en train de faire une dissertation littéraire. Une dissertation littéraire. Voilà. Alors, concernant notre thème, on parle de réussir le sujet de dissertation littéraire. Entre autres, les notions que nous abordons, il y a dissertation littéraire, il y a aussi le baccalauréat. Alors, combien de types de sujets avons-nous au baccalauréat? Le baccalauréat, en tout cas pour ce qui concerne le français, pour les élèves de terminale ou pour les candidats non officiels, mais il porte sur trois sujets. D'accord. C'est une épreuve, surtout l'épreuve écrite, je précise, porte sur trois sujets. Le premier porte sur un texte, on parle de résumé de texte argumentatif. Le second est un commentaire composé, c'est un exercice de spécialité qui est propre au littéraire. Et enfin, le troisième, ce dont nous traitons aujourd'hui, c'est la dissertation littéraire. D'accord. Alors, pour pouvoir faire une dissertation littéraire, il faut avoir des acquis ou des prérequis? Bien sûr, bien sûr. La dissertation, vous voyez bien qu'il y a le qualificatif littéraire. Cela signifie qu'il faudrait avoir une culture littéraire, pas forcément dense, mais quand même suffisante pour pouvoir contribuer à enrichir l'argumentation qu'on va proposer. C'est-à-dire, dans toute activité, il y a une méthodologie. Bien sûr, bien concernant sûr. La dissertation littéraire. Alors, quelles sont les différentes phases, je vais dire, pour pouvoir faire une bonne dissertation littéraire? Alors, dans le cadre d'un examen, notamment dans le cadre du baccalauréat, où les candidats sont en situation de composition pendant une certaine durée, il y a beaucoup de paramètres qui jouent très souvent pour le candidat, quel qu'il soit, hein, qu'il soit nouveau ou bien ancien. Quand je vais parler de paramètres, c'est l'attention. Il y en a vu des premiers des classes qui étaient bien en classe, et puis arrivé à ce moment fatidique, j'allais dire, ils sont sous une pression parce que peut-être ils ne sont pas préparés, en tout cas une dimension psychologique qui font que qui fait que bon, ils oublient certainement tout ce qu'ils ont appris. Alors naturellement, comme c'est le cas dans tout ce que nous faisons comme enseignement tout au long de l'année, il y a une méthodologie, il y a une méthode, il y a une démarche à suivre. Mais cette démarche-là, elle prend en compte d'abord une phase préparatoire. Pourquoi préparatoire? Parce qu'elle n'est pas à mettre, parce que c'est pas elle qu'on corrige. D'accord. Elle n'est pas à mettre au propre. Elle est préparatoire parce qu'elle doit figurer sur le brouillon qu'on donne au candidat pendant la composition. Ok. Alors, je voudrais rappeler à nos auditeurs que vous pouvez appeler, mais ce n'est pas maintenant. Lorsque nous finissons la première partie, c'est-à-dire la phase préparatoire, vous pouvez nous appeler pour poser vos différentes préoccupations. Donc, dans quelques instants, nous allons vous recevoir pour vos différentes préoccupations. Alors, Monsieur Godot, je sais qu'il y a des attitudes, ou du moins une attitude toute particulière qu'il faut adopter. Il y a ce que nous devons faire au brouillon avant d'arriver à la phase définitive, c'est-à-dire propre, mettre sur papier, donc la rédaction. C'est ça. Alors, concernant la première phase, la phase préparatoire, comment ça se passe? Dans la phase préparatoire, le sujet qu'on propose à l'examen, je signale au passage que c'est un sujet d'un élève, enfin, destiné à un élève moyen. Le sujet qu'on propose à l'examen n'est pas aussi difficile qu'on le croit, mais il est fait pour que au moins l'élève qui n'a pas peut-être l'habitude de l'entraînement, l'habitude d'être excellent, mais puisse au moins se retrouver. Donc la démarche, c'est que il faut d'abord réussir un pari. Le pari, c'est celui de la compréhension du sujet. On vous donne un sujet, on vous propose un sujet, mais à l'intérieur de ce sujet-là, il y a un problème de littérature à résoudre. D'accord. Alors pour pouvoir le résoudre, il est impérieux de pouvoir cerner le problème en lui-même. Donc, pour cerner le problème, la condition, j'allais dire sine qua non, c'est la compréhension. La compréhension. Tant qu'on n'est pas compris, vous ne pouvez pas cerner le sujet qu'on vous demande. Mais souvent, les élèves sont basés sur des questions de mots difficiles, ici et là. Justement, j'allais préciser, beaucoup d'élèves font une petite confusion quand ils commencent l'étude, ce qu'on appelle l'analyse du sujet, entre mots difficiles et mots clés. La notion de difficulté est relative. D'accord. Ce qui est difficile pour moi n'est pas forcément difficile pour mon voisin. Donc si on fonctionne à partir de ce critère, c'est sûr qu'on ne pourra pas vraiment exceller. On pourrait réussir, mais cela va relever plus du hasard que de la véritable nécessité. D'accord. Ce qu'il faut faire, c'est de s'appuyer sur les mots clés ou expressions clés. C'est-à-dire que la formulation du sujet peut se faire à partir de certaines figures. La formulation du sujet peut se faire aussi à partir d'une observation particulière. Donc, il faudrait que l'élève puisse être attentif, puisse être sensible, j'allais dire, à ces subtilités de formulation, parce qu'en aucun cas, les problèmes littéraires qu'on leur donne ne sortent jamais de la relation entre littérature et société, entre littérature et individu, entre littérature et réalité. D'accord. Dans la première phase, je vais dire la phase préparatoire, nous avons l'étape 1 qui est la compréhension du sujet. Si. Et dans la compréhension du sujet, il y a un élément primordial, je dirais, important, qui est la consigne. Bien sûr, c'est la consigne. Alors, comment faire pour comprendre la consigne? Est-ce que c'est le verbe qui est important ou c'est les autres mots? Comment ça se passe exactement? Alors, la plupart des consignes tournent autour d'un verbe, forcément. D'accord. C'est lui qui canalise et qui oriente sur la tâche à exécuter. Ok. Donc, le sujet lui-même, on parle de sujet parce qu'il y a deux composantes. Il y a une composante qui vous donne l'information. En général, c'est une observation d'un auteur ou bien une appréciation générale d'un critique. Et puis, à la suite de cette information-là, on donne une consigne qui précise la tâche qu'il faut exécuter. D'accord. Quelquefois, ce sont des verbes du type expliquer, expliquer et discuter, expliquer simplement ou bien commenter. Voilà. Et à partir de ce verbe-là, l'élève ou le candidat doit être à même de cerner réellement la façon dont il va organiser son travail. D'accord. Donc, ça fait partie, c'est vraiment important. Donc, une fois qu'il a compris le sujet à partir de l'identification des mots-clés et qu'il a réussi à trouver le sens contextuel, c'est vraiment important, à trouver le sens contextuel, à partir de ce moment-là, il devient apte à cerner ce que j'allais dire, le problème qui est contenu dans le sujet. Et donc, une fois que le problème est cerné, naturellement, la réponse peut être envisagée. D'accord. Donc compréhension du sujet. Cela comprend deux étapes. L'analyse d'abord, c'est-à-dire cette sélection qu'il fait des notions clés, la définition contextuelle et enfin la reformulation du sujet. D'accord. C'est cette reformulation-là qui atteste de la compréhension. C'est la preuve que le candidat a réellement compris. Donc après la reformulation du sujet, on va maintenant identifier les problèmes. Bien sûr, c'est tout à fait. D'accord. Donc, on identifie le problème. Ça, il s'agit de faire ressortir le problème de littérature, donc contenu dans le sujet à travers deux questions. Oui. Est-ce qu'on peut arriver à 3 à 4 questions? Ce n'est pas recommandé. 3 questions, c'est très rare, mais ce qui est recommandé, c'est 2 questions. D'accord. Ou 1 question. Voilà. Alors, quand j'ai une question, la formulation n'a pas grand-chose à voir avec le problème lui-même. Le problème, c'est qu'en littérature, par exemple, il y a un certain nombre de questions qu'on se pose. La littérature, ce n'est pas la réalité. Il y a une dimension fictive, même si elle peut avoir quelques accointances avec la réalité. Mais c'est un univers du fictif, de l'imaginaire, c'est l'univers de l'art. C'est pourquoi on parle plus d'œuvres littéraires et non pas d'ouvrages. Une œuvre, c'est une création artistique. D'accord. Alors qu'un ouvrage, ce n'est même pas une création, c'est tout ce qui est d'utilitaire. D'accord. Donc, à partir de cette distinction-là, tout ce qui a comme œuvre littéraire pose un certain nombre de problèmes. Entre autres, hein, la façon dont, par exemple, les personnages se comportent, leur ressemblance avec certains individus de la réalité. Et c'est dans ces différentes questions, ces différentes problématiques qu'on sort le problème. Donc le problème, c'est un obstacle général. J'allais dire épistémologique, qu'on doit résoudre. Maintenant, la façon de le formuler est tout à fait différente. Est-ce que la littérature a un rôle particulier auprès des hommes? Pourquoi les hommes lisent-ils, par exemple? Ça, c'est un problème de littérature. On lit pour se réfugier, on lit pour apprendre, on lit aussi pour diverses raisons. À partir de ce moment-là, la façon de formuler cela, on pourrait le faire sous forme de questions, par exemple. Quelles sont les fonctions de la littérature, par exemple? D'accord. Si une telle question est un problème dont la réponse fera l'objet de la dissertation littéraire. D'accord. Donc après l'identification du problème, on va passer maintenant au plan. Bien, alors pour bâtir le plan, sur quoi on doit s'appesantir? Alors le plan, d'abord il faut dire que c'est la démarche qu'on adopte. C'est l'organisation de la réponse qu'on apporte au problème posé par le sujet. Pour le bâtir, il faut d'abord tenir compte de 2 choses. Ces 2 choses sont d'abord l'information, c'est-à-dire la compréhension qu'on a eue du sujet, et deuxième chose, la consigne qui va avec. On ne répond pas de la même façon lorsque une consigne nous dit, par exemple, de commenter, simplement. D'accord. Ou d'expliquer et de discuter. C'est pas la même chose. Donc, en fonction de ce mot, ce verbe précis, la démarche qu'on doit avoir dans la façon de répondre doit être modifiée. Certaines consignes orientent sur un type de plan et d'autres consignes orientent sur un autre type de plan. Vous voulez dire que pour bâtir un bon plan, il faut d'abord comprendre la consigne? Tout à fait. C'est vraiment impérieux, absolu. Donc il faut se baser sur la consigne et le problème pour pouvoir organiser la réponse. Voilà, c'est cela. Alors, Monsieur Godot, nous sommes au plan. Lorsque nous finissons de bâtir notre plan, il faut bien évidemment les recherches d'idées. Et comment ça se passe à ce niveau? Au niveau de la recherche des idées, ce que les enfants font, enfin les candidats ont l'habitude de faire, que nous-mêmes aussi, quand nous étions élèves et que nous étions en face d'apprentissage, nous faisions, c'est d'abord de trouver une idée et puis aller chercher un exemple. Tous les sujets qu'on donne, on n'a pas besoin de préciser, mais très souvent aujourd'hui, on le dit de façon explicite. Vous répondez à cette question en vous appuyant sur vos lectures personnelles ou bien sur les œuvres étudiées en classe. Toujours on insiste dessus pour ne pas que les enfants oublient cette dimension-là. Leur dissertation, parce qu'il y a d'autres types de dissertations, leur dissertation est dite littéraire parce que il y a toute une dimension littéraire qui vient. Il y a des arguments littéraires qui sont convoqués, il y a des exemples littéraires qui sont convoqués. Donc, ce que les gens font et qui leur fait perdre du temps, c'est qu'ils cherchent d'abord une idée avant de chercher l'exemple qui va soir à cette idée-là. Alors que ce que nous recommandons, c'est qu'on trouve d'abord l'exemple. C'est cela, c'est le principe de la recherche des idées. D'accord. Rechercher les idées, on ne voit pas ça au plafond, tout ça, mais on ne doit pas perdre le temps. Et pour être plus incisif, pour être plus rapide, il faudrait d'abord chercher l'exemple. Et cela signifie qu'on a d'abord lu. Vous voulez par exemple montrer que la littérature instruit l'homme. Alors, vous allez vous interroger, mais qu'est-ce que j'ai déjà lu? Parce que la littérature, c'est ce qui est écrit. Qu'est-ce que j'ai déjà lu comme œuvre littéraire qui m'a permis de m'instruire? Étant entendu que la notion d'instruction signifie aller à la découverte d'une connaissance qu'on n'avait pas. D'accord. Donc, j'ai lu par exemple Sunyata ou le peuple mandingue de Djibril Thamsin Yang. J'y ai découvert que le royaume mandingue, dont on entend parler très souvent, a une création qui remonte à longtemps, notamment à une figure historique qu'on appelle Sunyata Keita. Donc, le fait de le savoir, et de savoir par exemple qu'il y a une bataille de Krina dans le texte Krina, cette bataille-là a été l'acte fondateur du triomphe de Sunyata. D'accord. Et à partir de ce moment-là, il a eu une certaine légitimité aux yeux de son peuple, aux yeux de l'ensemble du peuple mandingue, qu'il a fini par fédérer et à constituer un royaume. Cette origine du royaume mandingue n'étant pas connue de tous, le fait de la découvrir est une instruction. D'accord. Donc, sachant que j'ai lu cette œuvre et que je connais cet exemple-là précisément, le fait de le savoir m'oriente déjà sur la nature de l'idée que je vais proposer. Donc, la littérature, je dirais donc que la littérature instruit à partir du moment où elle nous donne des connaissances de type historique. Quand je suis capable de donner cette idée, c'est que j'ai eu l'exemple. Si je n'ai pas lu cette œuvre, si je n'ai pas eu une autre œuvre de ce même type, je serais incapable de donner une idée pareille. Impossible. Donc, c'est l'exemple qui apporte l'idée. Et lorsque l'exemple apporte l'idée, elle est précise et elle est nécessairement bien insérée. D'accord. Merci, Monsieur Simplice Godot. Je rappelle que nous abordons avec vous ce matin le thème de comment réussir le sujet de dissertation littéraire au baccalauréat. Et il faut commencer par une phase préparatoire. Merci. Les étapes sont la compréhension du sujet, la reformulation du sujet, l'identification du problème, comme bâtir un plan, un bon plan, et rechercher par la suite des idées. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelques astuces pour accompagner tout ce que vous venez de dérouler? Oui, il y a quelques astuces. Il y a quelques astuces, notamment celles que j'évoquais tout à l'heure, parce que là, ce n'est pas donné, mais c'est au fil de l'expérience qu'on se rend compte que pour aller plus vite, il est important de s'appuyer sur les exemples. Alors, quelques astuces qu'on pourrait aussi donner, c'est que dans la façon de rechercher les idées, parce que n'oubliez pas que la recherche des idées est une étape charnière entre la phase préparatoire et la phase définitive, la phase de rédaction. D'accord. Donc, il faudrait que cette étape-là anticipe l'étape à venir, c'est-à-dire l'étape où vous serez au propre, et puisque c'est la copie, ce que vous mettez au propre sur votre copie qu'on corrige, donc inutile de vraiment perdre le temps sur la phase préparatoire, mais il faut vraiment accentuer le travail sur la recherche des idées. Donc, la seconde astuce, c'est de déjà annoncer les idées en suivant un schéma argumentatif. D'accord. Vous dites, vous annoncez l'idée. Par exemple, la littérature, elle nous instruit à travers des connaissances historiques, par exemple. D'accord. Donc, quand vous dites historique, vous le dites parce qu'il y a déjà Sunyata qui est dans votre tête déjà. Alors, il faut expliquer. Bon, donc, il faut d'abord annoncer le sujet. Annoncer le sujet. Ensuite, annoncer l'idée. De l'idée. Nous sommes dans le développement. Annoncer l'idée. Annoncer l'idée. Oui. Et vous expliquer cette idée. Expliquer l'idée. D'accord. Voilà. En quoi les connaissances historiques là se rapportent à notre sujet. Donc, bon, vous dites, ben, et en effet, la, le fait, par exemple, de découvrir dans les livres, notamment celui de celui intitulé « Sundiata ou les peuples modernes de Djibouti en Sénégal », que Sundiata Keïta est un héros historique à qui se rattache la fondation de l'Empire mandingue, ben c'est un fait d'instruction, un haut fait d'instruction. On est instruit parce qu'on ne savait pas ça. Les jeunes générations d'aujourd'hui ne savent pas. Donc, voilà déjà, en procédant comme cela, de façon rédigée, idée 1, vous donnez ceci avec un exemple, l'exemple que je viens de citer, c'est précis. Parce qu'une des choses qu'on reproche aux élèves, c'est de ne pas de prendre des exemples très souvent qui font le récit de l'œuvre. Ils disent par exemple, bon, la littérature instruit. C'est l'exemple de Sundiata ou l'épopée mandingue, où on parle d'un héros, voilà. Ils ont plus tendance à raconter ce qu'on sait déjà. D'accord. Alors que ce qu'on leur demande, c'est de prendre l'exemple précis qui va illustrer une idée qu'ils ont donnée. Le choix le plus judicieux, c'est de partir de cet exemple-là, pour qu'il soit justement précis. D'accord, on annonce l'idée, on explique cette idée, et on apporte des illustrations. Voilà. En attendant, nous allons souffler un tout petit peu avec la technique Oumar Kobena.